Donc il n'est trop colo ya yo pendant. Oya yesa. Wen do dia dia bimi na basete. Colère aux alaté. Bona ngana o sepela drop do ngana za idol na bango. Ba adaptinga i bon. Ba imitinga bon. Na ba linette. Bon. O somba kango epi na na magasin moko na kaka. Non, non. Isini na bino. Ba poto ba ali wa. Bopi ali. Bopi. Gabi Chabani ali. Shinglo le grand. Il y a un poto ali, à maison Mondo production. Donc, mon baye bata poto bazo le la et puis bazo tinda, ba biberon, ba lunette. Ok, alors, merci pour Ngadelia, merci pour le groupe. Écoutez, soyez indulgents. Festival, ils allaient pour Nabatonios. Les musiciens, ils allaient nous mingi. Vimanda, excuse, excuse. Donc, Ndenge va fondi awa. Mon Ndenge kaka ya batu musubazo reposte tina ba journaux. Oh, voilà, gouvernement yangote. Biso tout ce monde en honnête et pour la nini peuple, mouté sur le balor. Le quoi le peuple le lobby, le moine au rara. Bon, deux minutes. Viens m'en excuse, hein. D'accord. J'ai là tout bête en un master comme ça au DNA. Tout ça la boye. Awa, tout un gâteau, tout collier à tête, tout un fumbo à tête, tout un. Toi, y'a qu'un amalade. Ah ouais, ouais, ouais. Un bus. Ou bien Basengi bis. Bi. Bon prononcer bien. Bon prononcer bien. Bon le vin. Hein? Ok. Oui, bien ma cambo, bien au bandia, au banda, au banda qui en haut. N'a été gagné au yokan, ou bien un fan de gagné en asim. Mais bien au bandi. Tant que monsieur Zalo, à l'obagi, à corrompaki, au negenin. Biso batonnette, biso n'est au bon, c'est la binom boga. On était té. Ah ouais. Yeah. Bon, alors. Yeah. Topé Sibino, deux minutes. Yeah. Yeah. Deux yeah. Minutes. Donc, c'est Benemoko. Avant, Tobenga, Madilou, multisystème. Yeah. Oya makambo kenye pesi bisonde melesi. Oni volimbo tchana mbotembe ponanini. Oni volimbo tchana mbotembe ponanini. Oya makambo kenye pesi. Willy la classe de Tembe, Bosikala, Freddy Bouloukonde, Mawa, Bandome, Ise, Force, Mawa, Oyama Kambo, Kine, Pessibi, Solon, Bodia, Mkita Baba, Willy la classe de Mkita Baba, Télopie, Willy la classe de Mkita Baba, Timona, Et ça, Willy, la classe, c'est ça. te voir. Bienvenue, Kialaé. Ariamba, bien m'entendu. La Sana, Mama Nema Koko, Mama Nema, Manabana Nema Koko, Mama Nema, Sekukembe Nema Koko, Bebi Bulukwe, Kauda Mboko Nema Koko, Mama Nema. Anise Pedro, Julien Bala, Eric Kanzo, Roger Nua Kangana.